إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours 135 dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Et on commence aujourd'hui le chapitre 59, Al-Bab al-Tasi'u al-Khamsoun. Et le chapitre aujourd'hui c'est Babun Qawlullah ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kulluhu lillah qul innal amra kulluhu lillah wa qawluhu adh-dhannuna billahi dhanna as-saw' alayhim da'iratu as-saw' wa qala ibn al-qayyim fi al-ayah al-ula fussira hadha adh-dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu وأن أمره سيضمحل إلى آخر الكلام. Donc on va commencer juste par expliquer ce passage là pour commencer. Donc le chef dans ce chapitre il explique les deux versets. OK? Donc ce chapitre là c'est au sujet de deux versets. Le premier verset c'est une partie du verset 154 et l'autre verset c'est le verset 6 dans sourate Al-Fath. Et le verset de sourate Al-Imran 154 ça dit et ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Ils disaient, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière est à Allah. Donc ça c'est la partie du verset, c'est-à-dire, ils parlent des hypocrites, des munafiqins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier à la bataille de Uhud. On en a parlé il y a de ça quelques cours, qu'ils avaient des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils croyaient que les croyants n'allaient pas être victorieux ou que la cause de l'islam n'allait pas être secourue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset, c'est le verset 6 dans surat Al-Fath qui pense mal à propos d'Allah, c'est ça. Al-Zannina billahi dhanna as-saw, qui pense mal à propos d'Allah. Et ensuite, il dit qu'un mauvais sort tombe sur eux pour leurs mauvaises pensées. Le verset en entier, c'est quoi? Afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs, ceux qui associent avec Allah dans l'adoration, qui pensent mal à propos d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. On va voir c'est quoi cette mauvaise pensée qu'ils avaient à propos d'Allah. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, on va lire la parole ou les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, puis après on va lire la suite, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, « هذا باب عظيم فقوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد وهذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد وقوله باب قول الله تعالى يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح كلاهما في موضوع واحد وهو سوء الظن بالله وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة لأنه ينافي التوحيد والقصة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش. لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى فيها أن غضاضة التي يرى فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه، دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان. كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن السوء. Donc le chef il dit que ce chapitre là c'est un très très grand chapitre dans Kitab al-Tawhid, rahimahullah. Donc la parole de l'auteur, rahimahullah, quand il dit c'est un chapitre qui parle de, du verset يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، c'est-à-dire il pense à propos d'Allah des choses qui sont contraires à la vérité, des pensées de la période de la jahiliya. Quand on dit les pensées de la jahiliya, c'est-à-dire des pensées de la période pré-islamique, à l'époque où les gens étaient dans le shirk, dans l'égarement et dans l'ignorance. Donc ils pensent à propos de Dieu des mauvaises pensées, des mauvaises idées, hein. Et on va voir c'était quoi ce genre de pensée-là. Il dit, et pourquoi le cheikh a mentionné ça dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, le livre de l'unicité d'Allah, pourquoi il en parle dans ce livre-là? C'est parce que de penser du bien d'Allah, ça fait partie des obligations du Tawhid. C'est une des obligations du Tawhid de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être optimiste quand on pense d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas penser négativement ou de s'imaginer que Dieu nous a abandonnés ou Dieu nous a laissé tomber. Hein? Donc le cheikh il dit, parce que de penser mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui s'oppose au tawhid. Et pourquoi? Donc c'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ça dans son livre, Kitab al-Tawhid. Ensuite le cheikh il dit, donc babun qawlullah ta'ala, un chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné ou qu'est-ce qui a été rapporté dans les interprétations de ce verset-là, dans en particulier le verset dans Surat Al-Imran et dans Surat Al-Fath à ce sujet. Ces deux versets-là parlent d'un seul et même sujet, c'est-à-dire le fait d'avoir des mauvaises pensées au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé ceux qui avaient des mauvaises pensées, il les a menacés de l'enfer pour leurs mauvaises pensées. Ensuite, il dit que ce verset-là était en fait pour expliquer une chose, c'est que à la bataille de Uhud, lorsqu'il y a eu la défaite des musulmans, la première défaite des musulmans, lorsqu'ils ont combattu les idolâtres, il y a eu beaucoup de parmi les hypocrites, les munafiqins, qui ont essayé de profiter de cette défaite-là pour parler contre les musulmans et contre l'islam, d'accord? Donc c'est ça ce que le cheikh explique. Étant donné que les musulmans avaient commis la désobéissance, ils avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres par rapport à l'armée, et que à cause de ça les mushrikines, les idolâtres ont eu le dessus sur les musulmans, hein, il y a certains munafiqines, c'est-à-dire ceux parmi les musulmans à l'époque qui se disent musulmans, mais dans leur cœur ils n'ont pas cru en l'islam, mais ils utilisent seulement l'islam comme une protection, comme un couvert pour cacher leurs activités et leurs vraies intentions. Hein, donc ils s'infiltrent à l'intérieur des croyants, à l'intérieur du rang des croyants et des musulmans, puis ils essaient de profiter de leur proximité pour créer des dissensions entre les musulmans, puis faire des problèmes entre les croyants. Donc ceux-là, ils essaient toujours de prendre toutes les occasions qu'ils peuvent trouver pour essayer de jeter des mauvaises ondes, des mauvaises pensées chez les musulmans à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Comme par exemple, à la bataille de Uhud, lorsqu'il y a eu la défaite, ils ont essayé de profiter de cette défaite-là pour l'interpréter d'une façon, pour essayer de faire comprendre, selon leur passion, que l'islam n'était pas solide et que les musulmans ne se tenaient sur rien, hein. Et ça, c'est l'attitude de tous les hypocrites à toutes les époques. Peu importe, c'est pas seulement limité quelque chose qui se limite uniquement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toutes les époques. Lorsqu'il y a un malheur qui atteint les musulmans ou une difficulté qui atteint les musulmans quelque part dans le monde, les gens qui sont parmi les musulmans, qui se disent musulmans mais qui sont des munafiqs, qui ont des doutes dans leur foi ou des problèmes dans leur croyance, ils se réjouissent des malheurs des musulmans. Ils disent « Ah, vous voyez, hein, ça prouve que hein, votre religion n'est pas bonne, ou bien que vous n'êtes pas bon, les musulmans sont pas bons, ainsi de suite. » C'est toujours ce genre d'excuses-là qu'ils essaient d'utiliser. Et le cheikh, il dit « Ça, c'est des mauvaises pensées à propos d'Allah, de s'imaginer cette chose-là, et que c'est des pensées qui sont des pensées de l'ignorance, hein, de la période de l'ignorance. » Et on va expliquer pourquoi. Après le chef dit ففي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية وفي سورة الفتح سماه ظن السوء وفي سورة آل عمران ظن الجاهلية لأن الجاهلية عدم العلم فالذي ظن هذا الظن خاطئ سببه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحمده وحكمته وقال في سورة الفتح ظن السوء يعني إساءة الظن بالله عز وجل وهو يخالف حسن الظن بالله فحسن الظن بالله توحيد وسوء الظن بالله كفر. Donc il dit que dans ces deux versets là, le premier il mentionne que c'est une pensée de l'ignorance en sourate Al-Imran, et dans sourate Al-Fatih il y a la mauvaise pensée. Et la pensée de l'ignorance, on l'appelle la pensée de la jahiliya parce que c'est une pensée qui est basée sur l'absence de science, l'absence de connaissance. Et bien entendu, quelqu'un qui est ignorant à propos de Dieu, ça peut l'amener bien entendu à avoir des mauvaises pensées sur Dieu, hein. Et quand on dit avoir des mauvaises pensées sur Dieu, c'est-à-dire avoir des mauvaises pensées et une mauvaise compréhension ou connaissance des noms de Dieu et des attributs de Dieu, hein, et de ses caractéristiques de gloire et de sagesse, ainsi de suite. Et ensuite, il mentionne aussi dans le verset dans Sourate Al-Fatih qu'il y a une mauvaise pensée, c'est-à-dire une mauvaise pensée à propos d'Allah qui est contraire à la bonne pensée, et ça c'est quelque chose qui a rapport avec le tawhid. Parce que de penser bien à propos d'Allah, c'est quelque chose qui rentre dans le tawhid, et quelque chose qui est une mauvaise pensée, c'est quelque chose qui et relié au kufr. Ensuite, le cheikh dit, ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآيتين وساقه من زاد المعاد في هدي خير العباد باختصار. Donc, le cheikh dit que par la suite, après avoir mentionné ces deux premiers versets-là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne les paroles de l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya à propos de ces deux versets-là, et il tire ces explications-là de son livre, du livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'appelle Zadul Ma'ad. Ok, donc on va lire ensemble premièrement le texte de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce que le cheikh a mentionné des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, et ensuite on va lire l'explication du cheikh Fawzan, ou qu'est-ce qu'on peut de la parole du cheikh Fawzan par la suite. Le cheikh il dit « قال l'imam Ibn al-Qayyim في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة ويضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، وظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'imam Ibn al-Qayyim, il a expliqué comment ces versets-là ont été interprétés. Premièrement, ils ont interprété cette mauvaise pensée-là en disant que c'était l'idée ou la pensée que Dieu n'allait pas donner la victoire à son messager et que son affaire allait se détruire ou se terminer et s'anéantir. Et aussi, ça a été interprété en disant que ce qui est arrivé aux musulmans lors de la bataille de Uhud, c'était pas quelque chose qui avait été prédestiné par Allah et qui faisait partie de sa sagesse. Hein? Donc ils ont essayé de dire des choses comme ça au sujet de ce qui s'était produit. Ou bien la pensée que, ou bien la négation de la sagesse dans cet événement-là. Ils voyaient pas la sagesse dans le fait que les musulmans ont perdu dans cette bataille. Hein? Ils croyaient que cette bataille-là, elle s'est produite, puis les musulmans ont eu cette défaite, et ils voyaient pas le bienfait qu'il pouvait y avoir dans cette défaite. Parce que les gens, à première vue, quand ils voient une défaite, ils s'imaginent, ça c'est mauvais. Mais parfois, il n'y a rien de mieux qu'une défaite pour te faire te remettre en question et te faire voir tes points faibles et revenir par la suite sur tes positions pour te corriger de tes erreurs. Donc ça c'est un point. Et ensuite, il dit وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. Ou bien la mauvaise pensée, c'est la pensée de vouloir nier, comme on a dit, la sagesse ou la prédestination, ou que Allah va faire compléter la religion et l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va lui donner le dessus sur toutes les autres religions. Ensuite, il dit, et aussi la mauvaise pensée, c'est la mauvaise pensée en ce qui concerne qu'est-ce qui a été mentionné dans sourate Al-Fath, c'était la pensée des munafiqoun. Et ça se réfère à quoi? C'était des pensées qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles ne conviennent pas à sa grandeur et à sa toute-puissance et à sa sagesse et à sa gloire et à sa promesse qui est véridique du fait que de penser par exemple que le faux aura le dessus de façon indéfinie, hein, de façon perpétuelle sur la vérité. Et de penser que le faux va toujours être au-dessus de la vérité. De penser ça, c'est une pensée de la jahiliya, une pensée des munafiqins. Ils pensent que les musulmans vont perdre et que les gens qui sont pour le mensonge et la fausseté auront toujours le dessus sur les croyants. Ça, c'est une mauvaise pensée, une fausse pensée. Ou de penser, comme on a dit tout à l'heure, que ça ne fait pas que ça se produit. Qu'est-ce qui se produit ne se produit pas selon le décret et la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de nier que Allah subhanahu wa ta'ala prédestine les choses selon une sagesse qui est absolue et véridique et qui mérite d'être glorifiée, cette sagesse-là mérite d'être glorifiée. Et ce n'est pas uniquement par une simple volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se produit dans l'univers ne se produit pas uniquement parce que Dieu le veut. Non seulement il le veut, mais c'est relié à une sagesse qui est absolu et qui est infini. À la prochaine. Donc, il dit, ça c'est cette idée-là, que Dieu fait juste décider les choses comme ça, mais que ce n'est pas relié à une sagesse, ça c'est une idée, ça c'est la pensée de ceux qui n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheur à ceux qui n'ont pas cru de la punition de l'enfer qui les attend. Donc, on va lire les paroles qui expliquent cette citation-là de l'imam Ibn al-Qayyim, pièce par pièce, mot par mot. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, قال ابن القيم فسر هذا الظن في الآية الأولى آية آل عمران بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وهذا ظن الجاهلية وأن أمره سيضمحل وهذا تكذيب لقول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والتكذيب لوعد الله كفر وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله يعني في ذلك ثلاثة تفاسير إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وإنكار الحكمة كفر وضلال لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم حكيم خبير حكيم عليم في كثير من الآيات والحكمة وضع الشيء في موضعه فمن أنكر حكمة الله فقد فإنه يكفر بذلك بخلاف من أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر والله جل وعلا يفعل شيئا لا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة من غير حكمة وإنما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة وليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل ولكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث Donc le cheikh il répète encore les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim et il les explique un petit peu plus en donnant des exemples. Il dit par exemple que la pensée, les pensées de la jahiliya dans le verset de Ali Imran, c'est comme par exemple l'idée que Allah va pas donner la victoire à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la pensée de l'ignorance. Ou bien que cette religion-là va être détruite, ou bien va être anéantie. Ça c'est également de traiter de mensonge la parole d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la mettre au-dessus de toute autre religion, même si cela déplaît aux idolâtres. Et donc, celui qui dit que cette religion-là va s'anéanter, et bien c'est comme s'il traite de mensonge la promesse d'Allah. Et quiconque traite de mensonge la promesse d'Allah, il a mécru. Ensuite, il dit également que ça a été interprété par le fait de dire que ce qui arrive aux musulmans, ce n'est pas selon la prédestinée d'Allah, et ce n'est pas selon sa sagesse. Et c'est donc de l'interpréter par la négation de la sagesse d'Allah et la négation de la sagesse et la prédestination, et c'est de nier que Allah va compléter la religion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va lui donner le dessus sur les autres religions. Et donc, ces trois interprétations-là, c'est la première, de nier la sagesse d'Allah dans ses actions, donc de nier que Allah fait les choses avec sagesse. Deux, de nier la sagesse elle-même, et ça c'est une forme de kufr, de nier la sagesse d'Allah. Deuxièmement, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit lui-même comme étant le sage. Il dit Hakim Khabir. Hakim un Khabir, ça veut dire le sage et le bien informé. Hakim un Alim, le sage et l'omniscient. Donc, dans beaucoup de versets, il explique qu'il a comme sagesse, il a comme attribut la sagesse. Et la sagesse, si tu veux l'expliquer ou le résumer, c'est quoi? C'est de mettre chaque chose à sa place. De mettre chaque chose à un endroit qui lui est prévu, hein, qui lui est destiné ou déterminé. Ça veut dire que tu fais rien pour rien, tu fais quelque chose, mais c'est pas pour rien, tu le fais pour une raison valable, ou quelque chose d'important. Donc, le cheikh dit, فَمَنْ أَنْكَرَ حِكْمَةَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ أَثْبَتَهَا وَأَوَّلَهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ ضَالًا فِي هَذَا التَّأْوِيلِ لأن الله donc le cheikh dit quiconque nie la sagesse d'Allah il a mécru en niant cette sagesse là contrairement à celui qui affirme la sagesse mais qui la déforme ou qui lui donne une fausse interprétation dans ce cas là c'est un égaré parce qu'il a déformé le sens de la sagesse mais celui qui l'affirme pas du tout celui là c'est un non croyant un mécréant il a rejeté la foi en niant la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien accepter qu'il le fait pour une grande sagesse. Et il se peut que toi, quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas directement la sagesse de Dieu, mais il y a une sagesse, que tu la vois ou que tu la vois pas. Il y a une sagesse derrière les actions que Dieu fait. Allah ne fait rien de façon inutile ou sans sagesse. Abath. Quand on dit quelque chose qui est abath, ça veut dire quelque chose d'absurde ou d'insensé. Quelque chose qui n'a pas de but ou pas de raison. Hein? Même un être humain qui fait quelque chose de sans raison ou sans sagesse, tu le dis, hein, tu dis, ah, ça c'est absurde, c'est stupide, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, hein? Tandis que le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, qui est le sage et le tout puissant, il ne fait rien de façon, absurde ou de façon, yani, pour rien, ou pour se divertir ou pour passer le temps, hein. Ou bien, disons, pour jouer. Non. Tout ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour une sagesse, parfaite et complète. Et, qui a un but qui est grand et noble et important. Et toutes ces actions, Allah subhanahu wa ta'ala, sont reliées à une sagesse et à une raison. Hein. Il n'y a rien parmi les actions d'Allah qui soit faites pour rien. Ok? Et elles sont toutes sages. Toutes ces actions sont sages. Et donc, ça implique que parfois on va observer quelque chose et on va pas comprendre la sagesse qui est derrière. Toutefois, parfois on va voir quelque chose et on va parfois être capable de comprendre. Mais c'est pas toujours qu'on arrive à comprendre la sagesse de Dieu. Toutefois, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ou qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, on doit affirmer la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit croire et être certain et être convaincu qu'il n'y a rien d'inutile et d'absurde dans qu'est-ce que Dieu fait dans l'univers. D'accord? C'est très important de comprendre ça. وَفُسِّرَ بِأَنَّ إِنْكَارَ الْقَدَرِ فُسِّرَ بِإِنْكَارَ الْقَدَرِ وَهَذَا أَيْضًا كُفْرٌ بِاللَّهِ لِأَنَّ الْقَدَرَ كَمَا سَبَقَ هُوَ الرُّكْنُ السَّادِسُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ وَفُسِّرَ بِإِنْكَارَ أَنْ يَتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن يظهره على الدين كله وهذا هو التفسير الثالث هذا هو التفسير الثالث donc le premier tafsir c'est le tafsir qu'ils ont donné pour nier que c'est de nier la sagesse. Ils ont dit que la mauvaise pensée c'est de nier la sagesse de Dieu. La deuxième c'est de nier la prédestinée. OK, ceux qui ont nié la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sixième pilier de la foi dans l'islam. Et le troisième tafsir, ou la troisième explication de la pensée de l'ignorance, ou de la mauvaise pensée, c'est ceux qui ont dit que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas être complétée et qu'il n'aura pas le dessus sur les autres religions. Et ça, c'est la troisième interprétation qu'ils ont donnée à ce sujet-là. C'est-à-dire, ils pensaient que Dieu n'allait pas donner la victoire à son messager. Et ça, c'est bien entendu de traiter de mensonge la parole d'Allah encore une fois, qui dit Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. C'est-à-dire le verset 51 dans Sourate Ghafir qui dit nous allons certes donner la victoire à nos messagers et à ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où les témoins vont se tenir, les messagers vont se tenir comme témoins pour leur nation. Après, Inch'Allah. Après, le chef, il dit, hein, tu peux m'en mettre, puis après, je vais le boire, Inch'Allah. Donc, le chef, il dit, وَقَوْلُهُ أَنَّ أَمْرَهُ سَيَدْمَحِلْ يعني أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول نهائيا ولا يبقى منه شيء مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أجزاء أحزابها وجماعتها وهذا التفسير باطل لأن الحق لا بد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة لكن الحق يبقى ويستمر فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء. Donc le cheikh il dit que il y en a qui ont pensé que cette religion-là, elle allait être anéantie, elle allait plus exister par la suite. Hein. Ça, c'est la pensée des munafiqins. Quand ils ont vu que les musulmans avaient eu une défaite, ils ont dit, ah, ça y est, cette religion-là, ça va être fini, là. Bientôt, ils vont tuer tous les musulmans, puis il y aura plus de, on va plus entendre parler de l'islam. Cette religion-là va être anéantie, finie. Et le cheikh, il dit, ils avaient cette idée-là que la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenée, là, vous savez, les gens, c'est ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les arabes, ils essayaient depuis le début, ils essayaient de faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire arrêter la transmission de ce message-là. Mais plus qu'ils combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que le message commençait à se répandre de plus en plus. On dirait que ce message, en fait, cette religion, elle est comme ça. Plus on l'attaque, plus on la combat, plus qu'elle devient forte. Plus qu'elle devient forte. Donc ils vont tout essayer, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les musulmans étaient peu. Hein, ils étaient même pas quelques centaines à l'époque, hein, on aurait pu tous les passer, hein, puis il n'y en aurait plus resté aucun, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a supportés, il leur a donné la victoire sur tous les autres, hein. Et donc, c'est pour dire, il y en a qui pensaient que cette religion-là n'allait pas durer, et qu'elle allait s'anéantir comme les anciennes religions qui n'existent plus aujourd'hui, hein. Les religions des gens qui adoraient à l'époque des Babyloniens, ou à l'époque des Romains, la religion des Grecs, à l'époque, la religion des Romains, elle n'existe plus. Les vieilles religions d'Europe avant le christianisme, elles n'existent plus. Elles sont mortes, c'est des religions mortes. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, ils s'imaginaient que ces religions-là allaient comme mourir comme celle-là, hein. Ou bien, par exemple, la religion des Arabes de païens qui adoraient les idoles à la Mecque, ou d'autres religions comme ça qui sont mortes, hein, la religion des Égyptiens, hein, de l'ancienne Égypte. Mais, bien entendu, ça c'est une fausse interprétation et une fausse idée, parce que la vérité elle doit rester, peu importe qu'est-ce qui peut arriver comme épreuve, comme test, comme tribulation, comme difficulté, au début elle va rester et elle va continuer. Et donc l'idée que cette religion-là va être anéantie et que ça va être fini, hein, ça c'est une fausse idée. Il ne faut pas penser que parce que les musulmans passent à travers toutes sortes de difficultés aujourd'hui et toutes sortes d'épreuves dans le monde, que ça y est, maintenant on va régler le cas des musulmans puis qu'il n'y en aura plus d'islam sur la terre. Cette idée-là, ceux qui rêvent de ça, ils n'auront jamais cette satisfaction-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala défend sa religion et il protège les croyants et il va donner la victoire aux croyants sur tout autre mensonge qui peut exister sur la terre. Ensuite, le cheikh il dit, Wallahu لم يجري هذه النكبات لأجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، وإنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانا من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه، فالله يريد أن ينبههم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدخيل ومن الخطأ، ها؟ من الخطأ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيعيد لهم الله النصر والتمكين وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وكذلك يريد أن يمحص الذين آمنوا ويخلصهم من الذنوب والمعاصي ليقدموا على الله مطهرين ليقدموا على الله مطهرين ليس عليهم سيئات هذه حكمة الله سبحانه وتعالى لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا تأبى حكمة الله ذلك وإنما يريد أن يثبت هذا الدين وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه فعند ذلك تعود إليهم عزتهم ومكانتهم. Le cheikh il explique ici un point très important. Il dit tous les malheurs et les difficultés qui arrivent aujourd'hui aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas faire tomber sur les musulmans ces malheurs-là pour faire disparaître les musulmans et les gens de l'islam ou l'islam elle-même, non. Toutes ces épreuves et ces difficultés qui nous arrivent aujourd'hui sont uniquement des épreuves et des tests que Allah subhanahu wa ta'ala fait passer aux croyants pour qu'ils reviennent vers lui et pour qu'ils reconnaissent et se repentent des péchés et des erreurs qu'ils ont faits, hein, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse les croyants, les vrais croyants, et pour qu'ils puissent se purifier et purifier leur rang à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a trop de divisions, trop de mauvaises compréhensions, trop de fausses compréhensions de l'islam. Il faut purifier les rangs, il faut nettoyer les rangs, il faut que la vérité soit expliquée d'une façon claire pour que ceux qui sont des gens qui ont d'autres compréhensions qui sont contraires à la vérité puissent sortir des rangs des musulmans ou bien être purifiés dans le sens qu'on va les ramener à la bonne croyance. Ou bien qu'ils sortent complètement pour que nos rangs soient propres et clairs et qu'on sache clairement où est-ce qu'on se tient, quelle est notre position et quelle est la position des gens qui ont dévié et qui ont quitté le droit chemin. Une fois que nos rangs seront purifiés, alors là, par la suite, on pourra revenir sincèrement et véritablement sur la parole de Dieu et sur le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous remettre la victoire et va nous remettre à la position qu'il nous a donnée au début. Et ça, c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise tout le temps dans sa création, pour faire en sorte qu'il nous éprouve les uns par les autres, pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, et pour que ceux qui sont vraiment pour la vérité se manifestent, et ceux qui sont pour le mensonge et pour l'égarement et qui veulent tromper les croyants, ceux-là vont être également démasqués et qu'ils vont se manifester également. Donc le cheikh il dit « Wakadhalika » donc Allah ici il veut également purifier les croyants des péchés qu'ils ont fait et des erreurs qu'ils ont et des désobéissances qu'ils ont fait. Donc quand il y a des malheurs qui tombent sur les musulmans, ça sert d'une forme, c'est comme une sorte d'expiation pour leurs péchés, c'est une sorte d'expiation pour leurs fautes. Allah subhanahu wa ta'ala les purifie par ces malheurs-là de toutes sortes de péchés qu'ils ont commis et de toutes sortes d'erreurs qu'ils ont fait. Donc ça c'est la sagesse de Dieu par laquelle il veut, purifier ses serviteurs et les faire ramener au droit chemin. Et ensuite il dit aussi, il fait pas tomber ces malheurs-là sur les croyants pour éliminer ses serviteurs croyants, ou bien pour éliminer la vérité sur laquelle ils sont. Non, pas du tout. Au contraire, ça c'est contraire à la sagesse de Dieu de penser comme ça. C'est contraire à la sagesse de Dieu qu'on pense de cette façon-là. Allah veut uniquement faire en sorte que la vérité soit ferme, et que ceux qui vont avoir la victoire vont le mériter, parce qu'ils se sont tenus sincèrement sur la vérité. Ils vont le mériter parce qu'ils se sont tenus fermement sur la vérité, ils ont fait preuve de courage sur la vérité, et donc Allah va les récompenser de cette façon-là. Et aussi de faire en sorte que ceux qui ont des contradictions avec la vérité vont être, on va avoir l'occasion de revenir à Allah et de se repentir. Alors là, Allah va leur remettre leur puissance et leur fierté et leur position qu'ils avaient auparavant. وهذه سنة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة كم جرى على الرسل وكم جرى على أتباعهم من النكبات والمعضلات ولكن العاقبة تكون لهم دائما وأبدا والحق لا يزال ولله الحمد. Donc le cheikh il dit, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, ça va toujours être comme ça. Il va toujours y avoir un combat entre la vérité et le faux, et entre les gens qui défendent la vérité et les gens qui défendent le mensonge. Il y aura cette guerre perpétuelle et ce combat perpétuel entre les deux jusqu'à la fin des temps. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé aux messagers et aux prophètes dans le passé. Ils ont tous été éprouvés, ils ont tous eu des difficultés à un certain moment donné, et Allah a fait ça pour les éprouver. Mais à la fin, ils ont toujours une bonne conclusion. C'est toujours eux à la fin qui ont le dessus et qui ont la bonne conclusion, et la vérité est toujours à la fin est toujours victorieuse, et la gloire et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu hadha huwa dhannu saw ay man nafa al-qadar aw حدوث الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره فقد ظن بربه ظن السوء ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم تعالى الله عما يقولون. Hein? Et ça, ça parle de, ça explique un petit peu par rapport à tout à l'heure. Hein? Wa alaykum salam, Oustaz. Kayfa al-hal akhi? Hein? Le cheikh, il dit également, parmi les mauvaises pensées qu'on a à propos d'Allah, c'est de penser, la pensée de ceux qui nient la prédestination d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui nient que les choses qui arrivent, arrivent selon la prédestination d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit que les choses n'arrivent pas. Il pense que les choses se produisent sans la volonté de Dieu et sans sa puissance, contraire à sa puissance, ou bien ils pensent du mal de leur Seigneur en décrivant leur Créateur et leur Maître avec les attributs de l'incapacité, de l'ignorance et de l'absence de science. C'est ça l'exemple qu'on parlait tout à l'heure, même si en réalité, on disait la même chose, mais on utilisait des termes différents pour le dire, mais à la fin, on était d'accord sur les principes, n'est-ce pas? Hein? Bon, c'est ça. Donc, c'est pour expliquer que celui qui nie al-qadar, c'est comme si en réalité, il attribuait à Dieu l'ignorance et l'incapacité, et la faiblesse, hein, et l'absence de science. Et ça, c'est bien entendu des choses que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié d'avoir ces faiblesses-là et ces imperfections-là. Après, le cheikh dit وَمَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَى مَا يَكْرَهُ الْعِبَادُ وَعَلَى مَا يُحِبُّونَ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ مَحْمُودٌ فإيقاع العقوبة في من يستحقها عدل منه سبحانه وتعالى ويحمد عليه وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه جزاء ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع فضل من الله سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل حال على المحامد وعلى المكاره لأنه ليس من قبله شيء عبث أبدا فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده فإنه لا يقع في هذه الأغلاط أبدا حتى ولو بلغ به الأمر والشدة ما بلغت لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير له فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج ولا ييأس من رحمة الله بل ينتظر رحمة الله كلما اشتد الكرب انتظر رحمة الله بل يزيد الرجاء من شدة الكرب كما قال تعالى واعلم كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد عسر يسرا فكلما اشتد أمر الأمر انفرج. Le Cheikh explique un point important ici. Il dit que quand l'imam Ibn al-Qayyim il dit et ça ne convient pas à la sagesse de Dieu et à sa gloire et à sa promesse véridique, c'est-à-dire de penser que Dieu n'a pas donné la victoire aux croyants, il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive, c'est toujours quelque chose de louable, qui mérite la louange, pour lesquels Allah mérite la louange, tout ce qui arrive, que ce soit quelque chose que les serviteurs n'aiment pas, ou que ce soit quelque chose que les serviteurs aiment qui se produit, Allah mérite toujours la louange et la glorification pour ces choses-là. Hein, pourquoi? Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours quelque chose de louable. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fasse tomber la punition sur ceux qui le méritent, ça c'est une justice de sa part. Et donc il mérite d'être glorifié pour cette punition qu'il fait tomber sur ceux qui le méritent, de même que de faire tomber la punition et de faire périr les nations qui ont mécru en lui, qui ont refusé de croire en lui, il doit être également glorifié pour ça. Hein? Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa récompense et de sa rétribution, et le fait qu'il fait qu'il fasse tomber ses grâces et ses bontés sur les gens qui ont la foi, hein, et les gens qui et le fait qu'il leur donne la victoire et le succès à ceux qui ont suivi sa voie et qui ont suivi ses messagers, ça c'est tout également, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il mérite les louanges pour ça aussi. Et de toute façon, il dit, dans toutes les situations, il est celui qui mérite toutes les glorifications pour les choses que les gens aiment ou pour les choses que les gens n'aiment pas, peu importe qu'est-ce qu'il arrive, il doit être glorifié et loué pour ça. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que pour Allah, il n'y a rien que de ce qu'il fait qui est fait pour rien. Il n'y a rien que Allah fait que c'est pour une raison qui n'est pas une raison remplie de sagesse et de bien et de bonté. Donc, il dit, celui qui connaît les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît les implications de ces actions-là, il va savoir que tout ça c'est par la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa gloire à lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, on a expliqué tout à l'heure, il a la science infinie, il a la volonté absolue, il a la puissance et il a la sagesse infinie également. Tout ça c'est des attributs qui nous font comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite la louange. Et quelqu'un qui a compris ça, il ne tombe pas dans les erreurs à ce sujet, au sujet de la prédestination et au sujet des événements qui se produisent, même s'il voit que les épreuves et les difficultés deviennent de plus en plus dures sur lui. Hein? Parce qu'il sait que Allah ne fait rien excepté que c'est pour un bien. Donc même si tu vois que les situations et les choses deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles, de plus en plus dures contre toi, tu sais qu'il y a un bien derrière ça. Et donc, le cheikh il dit, tu vas être patient, tu vas être satisfait de la prédestinée et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas attendre al-faraj, c'est-à-dire tu vas attendre l'issue et le secours de Dieu. C'est ça que tu vas attendre, hein, à ce moment-là. Le cheikh il dit, et tu vas pas perdre l'espoir jamais en la miséricorde de Dieu. Tu attends patiemment et avec endurance la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que les malheurs et les difficultés s'agrandissent et deviennent plus durs sur toi, hein, tu attends la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que, le cheikh il dit, et même que ton espoir augmente plus que le malheur augmente. Plus que la difficulté augmente, plus que ton espoir en Allah augmente. Et il donne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ » Sache que la victoire vient avec l'endurance et que le secours vient avec le malheur et les détresses et que la facilité vient après la difficulté. Lorsque tu vois que la difficulté est là, c'est là qui, ça indique quoi? Ça indique que la facilité est proche, que l'issue et la victoire et le secours est proche, hein. Et il donne le verset 5 et 6 dans Sourate Al-Inshirah qui dit, et c'est après la difficulté il y a la facilité, après la difficulté il y a la facilité. En fait, c'est avec, hein, parce que j'ai dit après, mais c'est plutôt avec, hein, c'est-à-dire avec la difficulté vient la facilité, et encore une fois, là, il le répète une deuxième fois, certes, avec la difficulté vient la facilité. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ. C'est quand c'est pour confirmer, hein, que quand les choses deviennent difficiles, attends le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit un autre verset, le verset 7 dans Sourate At-Talaq, سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir après une difficulté la facilité. Donc, à chaque fois que la difficulté vient sur toi et que les choses deviennent plus dures contre toi, attends le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est proche. Ensuite, le cheikh dit, أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله ولهذا لما أصاب المسلمين في أحد ما أصابهم كانت هذه كلمات قبيحة القبيحة. الشيخ يقول tandis que les hypocrites, les gens qui n'ont pas la foi, ceux-là, quand ils voient un malheur, une difficulté qui vient sur eux, et que ça devient difficile, hein, il dit les gens de l'hypocrisie, les gens de la mécréance, et les gens de l'ignorance, chaque fois qu'ils ont une difficulté ou un malheur, ils rejettent la foi. Ils tombent dans la mécréance. Pourquoi? Parce qu'ils perdent l'espoir en la miséricorde de Dieu, à chaque fois. Donc, lorsque les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, lorsqu'ils ont eu cette défaite et qu'ils ont été frappés par ce malheur, certains d'entre eux ont dit ces mauvaises paroles. Ils ont pensé ces mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, le cheikh dit, « قال ابن القيم فمن ظن أنه يدير الله الباطل على الحق إدالة مستقرة ويضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره هذا إعادة الإمام ابن القيم لتقرير هذه المسألة العظيمة. الشيخ يقول que l'imam ابن القيم il a répété encore la question pour encore mettre plus d'emphase et d'importance sur cette idée-là ou cette explication-là. C'est que quiconque pense que le faux va avoir le dessus continuellement et de façon permanente sur la vérité, alors, et que la vérité va être anéantie, avec, et donc celui-là, bien entendu, il a eu ses mauvaises pensées-là. Ou bien celui qui pense que ce qui se produit ne se produit pas par la prédestinée, mais par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des mauvaises pensées. Ou ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha. لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا. من ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة؟ الله قد يدير الباطل على الحق أحيانا ولكن هذه الإدالة مؤقتة ليست مستقرة. وإدالته على الحق لحكمة وهي أن الحق لأن أهل وهي أن أهل الحق ينتبهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم ليمحص الله الذين آمنوا يعني ليطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة كما قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به ولما شق على أبي بكر رضي الله عنه يعني قال أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحزن ألست تنصب أليست تصيبك الأواء قال بلى قال فذلك ما تجزون به فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه ويعاقبه لأنه يحبه من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا ويدخل الجنة. Donc le cheikh il dit ici, donc il répète la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, puis il l'explique un petit peu plus. Il dit, et celui qui nie la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse, qui nie la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui nie que sa sagesse est une sagesse absolue et qu'il mérite pour cette sagesse-là la louange, ou qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala fait seulement les choses par une volonté seulement, c'est-à-dire juste parce qu'il fait quelque chose juste parce qu'il veut, mais que ce n'est pas relié à sa sagesse. Hein? Alors celui qui pense ça, il a pensé comme les mécréants. Il a eu la pensée de ceux qui ont mécru. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. Il fait « يَفْعَلُ مَا يَشَاء فَعَلُ لِمَا يُرِيد » Il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas ce qu'il veut sans sagesse. Il fait ce qu'il veut toujours pour une raison, pour une sagesse. Il y a toujours une raison sage et bonne derrière tout ce qu'il fait. même si pour nous parfois on ne le voit pas tout le temps du premier coup, parce que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est omniscient et qu'il est le Sage, sa sagesse dépasse notre compréhension, hein, on ne peut pas arriver à saisir tout, hein, notre esprit est limité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que ça. Donc c'est important de voir que nous on est des esprits humains très limités, très faibles dans notre intelligence et dans notre compréhension des choses, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance infinie, hein, et absolue. Donc on ne peut pas se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc le cheikh il dit, celui qui pense que donc que le faux va avoir toujours le dessus sur la vérité de façon permanente, et que le faux va être toujours sur la vérité, par-dessus la vérité, ça c'est quelque chose qui est une fausse pensée. Il dit que ça se peut que Allah parfois permette à un mensonge d'avoir le dessus sur la vérité pour un certain temps, mais ça c'est pour une sagesse, hein, aussi, et ça c'est temporaire, c'est pas permanent, hein. Pourquoi? Parce que il y a une sagesse là-dedans. C'est que les gens ont tendance toujours à pencher vers qu'est-ce qui est fort, vers qu'est-ce qui est au-dessus. Si les gens qui sont sur la vérité sont toujours en haut et toujours forts et toujours au-dessus, les gens vont pencher vers eux, pas parce qu'ils croient en la vérité, mais parce qu'ils veulent la puissance et le respect et l'honneur. Tandis que si les croyants sont parmi ceux qui sont humiliés parfois, ou parmi ceux qui sont rabaissés parfois, malgré qu'ils sont sur la vérité, c'est une épreuve et un test pour ceux qui sont sincères, hein, pour voir qui va rester avec eux malgré leurs faiblesses, qui va rester avec eux malgré leurs défaites, qui va rester avec eux malgré les ennuis. Est-ce que tu veux juste être avec la vérité quand la vérité est au-dessus, ou bien tu vas suivre la vérité même quand cette vérité-là est mise à l'épreuve, hein? Donc ça c'est une question de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que les gens qui sont sur la vérité doivent faire attention et essayer de voir les erreurs et les faiblesses qu'ils ont en eux-mêmes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit le verset 141 dans sourate Ali Imran qui dit wa liyumahhis Allahu alladhina amanu, c'est-à-dire pour qu'il purifie les gens qui ont eu la foi, les purifier en leur donnant des épreuves et des difficultés pour qu'ils se remettent en question et qu'ils se purifient, se repentent de leurs péchés et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, et bima nazala alayhi min al-uquba, hein, c'est-à-dire il va les purifier de ces péchés-là à cause desquels ils ont reçu ces châtiments-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 123 dans sourate An-Nisa, من يعمل سوءا يجزى به, celui qui fait un mal il sera rétribué pour ce mal. Et le cheikh il dit que Abu Bakr radiallahu anhu, quand il a entendu ça, il a trouvé ça difficile. Il a dit, lequel d'entre nous au messager d'Allah ne fait pas de mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, est-ce que tu n'es pas triste parfois? Est-ce que parfois tu n'es pas fatigué? Est-ce que parfois tu n'as pas quelque chose qui t'appelle de maladie ou quelque chose comme ça? Et Abu Bakr a dit oui. Alors il dit, c'est comme ça que Allah te donne sa rétribution pour ces péchés-là, ou pour le mal que tu fais. C'est Abu Bakr. Ouais. Mais la référence n'est pas mentionnée dans ce charh, mais je vais vérifier la référence de ce hadith. Inch'Allah, je vais vous l'amener au prochain cours, Inch'Allah. Pour savoir, il est rapporté par qui. Après le cheikh dit, فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه ويعاقبه لأنه يحبه. Hein? Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut parfois يجازي عبده المؤمن لأنه يحبه ويعاقبه لأنه يحبه. Donc il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser un de ses serviteurs parce qu'il l'aime, et aussi parfois il peut le punir parce qu'il l'aime. Hein? Et ça c'est très important aussi de comprendre ça, et pour le purifier de ses péchés, hein, pour qu'il rencontre son Seigneur purifié, hein, de tous ses péchés, et qu'il rentre au paradis par la suite. Donc il y a des gens qui s'imaginent parfois que si t'arrive quelque chose de mal, ça veut dire que Dieu t'aime pas, et si t'arrive quelque chose de bien, ça veut dire que Dieu t'aime, mais c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas. Des fois, il t'arrive une épreuve ou un malheur, et en fait, c'est parce que Dieu t'aime et qu'il veut te purifier de tes erreurs et de tes péchés pour que tu te repentes. Après, le chef, il dit, أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم يصب عليه النعم للاستدراج ويمسك عنه العقوب عنه بالعقوبة حتى يوافي يوم القيامة هو محمل بالذنوب فيكون من أهل النار هذه حكمة الله سبحانه وتعالى الشيخ الذي tandis que le non croyant Allah سبحانه وتعالى le non croyant l'ennemi d'Allah Allah lui donne de ses grâces parfois et il lui retient son châtiment pour, dans ce monde. Pourquoi? C'est pour lui donner l'impression qu'il est correct et pour que ça lui monte à la tête cette idée qu'il est bon, il est correct, que Dieu l'aime, hein, et il continue dans sa voie d'égarement, hein. Et donc étant donné qu'il essaie de tromper Dieu, Dieu le punit, hein, par une ruse également, parce qu'il a essayé de tromper Dieu, alors Dieu l'a puni de cette façon-là. Et donc, il est puni sans même s'en apercevoir. Exactement. فَزَيَّنَ لَهُمْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Leurs péchés leur ont été embellis. قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ce verset-là, c'est un verset qui nous fait réfléchir à ce sujet-là, puisque ça dit, voulez-vous qu'on vous informe, aux yeux des plus grands perdants en œuvre, ce sont ceux qui ont fait beaucoup d'efforts dans cette vie d'ici-bas, hein, ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire qu'est-ce qu'ils faisaient, et ils s'imaginent faire le bien. الذين ضل سعيهم ils ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, ils ont gaspillé leurs efforts. Pourquoi? Parce que ils pensaient qu'ils faisaient le bien, mais étant donné que les actions qu'ils ont faites n'étaient pas établies sur la bonne croyance et les bonnes bases, ils ont fait des œuvres, mais ces œuvres-là n'avaient aucune valeur. Et donc au jour de la résurrection, ils vont arriver, puis ils n'auront rien. C'est pour ça que dans le verset après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ça veut dire, ceux-là sont ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur et en sa rencontre, et donc leurs œuvres ont été annulées, anéanties, rendues vaines. Dans cette et donc on ne va pas leur donner aucun poids pour les actions qu'ils ont faites au jour de la résurrection. Oui, c'est ça. Non. Donc c'est pour dire que toutes les actions qu'ils ont faites, ils n'auront aucun poids pour ces actions-là au jour de la résurrection. 103 et 104 dans Sourate Al-Kahf. Donc après le chef dit وبعض الناس يقول لماذا الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل والمسلمون في هذه الحالة ثم يذهب به ظن السوء إلى أن يظن أن الكفار على الحق وأن الله راض عنهم وأن المسلمين ليسوا على حق وأن الله ساخط عليهم ثم قد يرتد عن دين الإسلام وعن عن الدين. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فإنه لا يعطيه إلا من يحب. Donc le cheikh il dit ici qu'il y a certains musulmans parfois, certaines personnes qui disent, même des koufars parfois qui disent ça. Ils disent, ouais, mais pourquoi on voit que les koufars, les non-musulmans, ils ont toutes sortes de bonnes choses, hein, la civilisation, les industries, le bon climat, hein, les environnements qui sont bien faits, et tous les arbres, les fruits, et tout ce qu'ils... toutes ces bonnes choses-là, tandis qu'on voit que les musulmans, dans quel état ils vivent. Et donc, le chef il dit, puis ensuite, il commence à avoir cette mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'imagine que les kuffars sont sur la vérité, et que Allah est satisfait d'eux, et que les musulmans ne sont pas sur la vérité à cause de ça, et qu'Allah est en colère contre eux. Et donc, il s'apostasie de sa religion, ou bien il sort de sa, il quitte sa religion à cause de cette fausse idée là. Mais le cheikh il dit, mais Allah donne cette vie d'ici-bas, il le donne à qui il aime, à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, tandis que sa religion, il la donne uniquement à celui qu'il aime, et non pas à celui qu'il n'aime pas. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui a du bien dans ce monde et des richesses, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime. Allah parfois il donne justement des choses de ce bas monde à des gens qu'il n'aime pas aussi. Et c'est une épreuve et c'est un test pour eux. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au cours prochain, inshallah. C'est samedi prochain, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. نعم نعم.